souvenirs de son enfance. C'est comme vouloir croire au Père Noël ou à la petite souris en oubliant que le Père Fouettard, lui, il est là. Courir dans les champs de papillons, c'est comme vivre dans une maison de bonbons, ou encore voler comme un oiseau. Profiter des rêves, c'est une vie. Vivre ses rêves, c'est une bien belle utopie. Profiter des rêves, c'est une vie. Vivre ses rêves, c'est une bien belle utopie. Jamais voir d'éléphant rose ou abuser de toutes les bonnes choses. Sentir ce premier baiser, c'est comme ressentir le vent dans un champ de blé, ou encore écouter les cigales d'un premier été. Belle utopie. Profiter des rêves, c'est une vie. Vivre ses rêves, c'est une bien belle utopie. Profiter des rêves.